Bien séance. Gargarisé, simplement pour le plaisir contagieux de la langue. 16 ans et plus. Au cœur du Vieux-Québec, la Maison de la littérature, votre maison pour écrire, lire, vivre. When we get married. Découvrez la première Biennale hivernale d'art contemporain avec 50 artistes de 9 pays dans 30 lieux de la ville de Québec, dont pavillon Pierre Lassonde du MNBAC. Cet hiver, célébrez l'art de la joie. Ce soir, à l'aérospatiale, Richard Ibji, Marie-Lou Lemons et Esther Kempf à l'œil de poisson, Grrr de Patrick Doyon à la bande vidéo avec Émilie Porakia et Déferlante d'artistes de Québec à Winnipeg avec Louane Bourdeau. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. Audrey Caro au micro, accompagnée de Jean-Tienne Lafrance. Bonsoir, Jean-Tienne. Bonsoir, Audrey, ça va bien? Très bien, et toi? Oui. Alors, ça fait du bien, un peu de beau temps cette fin de journée. Oui, le soleil qui pointe son bout de nez, malgré la température quand même un peu fraîche. Oui, mais ça fait du bien parce qu'on n'annonçait pas ça, mais ça, oui, c'est des belles surprises. Ah, moi, j'ai adoré. Alors, voilà, et parlant de beau temps, je suis allée visiter des expositions cette fin de semaine par un très beau temps ensoleillé, mais bon, ça rendait la visite encore plus agréable. Oh oui! Donc, ce soir, Jean-Tienne, on a une émission, donc bien sûr, où on va parler en première moitié de l'œil de poisson. Oui, donc on va s'entretenir avec Anne-Sophie Omer. Bonsoir, Anne-Sophie. Bonsoir, Jean-Tienne. Bonsoir, Audrey. Bonsoir. Et Juliane Charbonneau. Bonsoir. Donc, qui sont déjà avec nous en studio. Donc, Anne-Sophie, qui est coordonnatrice aux communications et au développement à l'œil de poisson. Pour parler de l'exposition Golden USB de Richard Ibji et Marie-Lou Lemons, ainsi que de l'exposition dans la petite galerie Room for One Space d'Esther Kempf. Et Juliane est ici en tant que chargée de médiation et de développement de l'œil de poisson également. Et elle va discuter de l'activité pop-up qui a été réfléchie en lien avec cette exposition-là, ces expositions-là, donc qui va avoir lieu samedi à l'œil de poisson. Et en seconde partie d'émission, qu'est-ce qui nous attend, Audrey? Eh bien, on va discuter avec notre chroniqueuse Émilie Porakia pour parler de l'exposition Grrr de Patrick Doyon qui est présentée à la bande vidéo et qui certainement saura interpeller les amateurs de bandes dessinées, car cette œuvre s'intéresse notamment aux mythiques aventures de Tintin. Alors, on va découvrir justement comment l'artiste a repris, a rejoué un peu avec les codes de cette fameuse bande dessinée. Intéressant. Oui. Et sinon, on va aussi terminer avec un entretien téléphonique transprovincial, comme j'aime le dire. Vive la technologie. Et oui, et on va discuter avec notre chroniqueuse, à vrai dire, qui était en congé parce qu'elle est rendue en exil à Winnipeg. Donc, Louane Bourdeau, qui va nous parler, bien sûr, rupture directement de Winnipeg pour nous parler des artistes de Québec, hein, de la ville de Québec, qui s'illustrent notamment actuellement à Winnipeg, donc soit à la Maison des artistes visuels francophones et au Centre culturel franco-manitobain. Elle va nous parler justement de ces lieux de diffusion qui sont dédiés à la promotion de la culture francophone au Manitoba. Hein. Des fois, on l'oublie, mais on n'est pas les seuls au Canada à parler français, hein, bien sûr, et que le fait, ça veut dire la culture francophone qui se diffuse. Donc, on va parler et profiter de cette occasion que Louane soit à Winnipeg pour nous présenter ça. Une belle occasion d'en découvrir plus sur la culture francophone. Et on va terminer, évidemment, l'émission avec notre agenda de la semaine. Donc, pour nous vous parler des différents événements à ne pas manquer cette semaine. Mais d'abord, Audrey, je pense que tu avais un petit mot à glisser sur un fait d'actualité cette semaine. Un beau prix qui a été reçu par Ludovic Bonnet, hein, ici, artiste qu'on a reçu à plusieurs reprises à l'émission. Il a remporté un prix quand même de 10 000 $ pour ce qui fait partie donc des prix Reveal pour les artistes autochtones canadiens. Donc, il y a eu 150 prix qui ont été décernés à 150 artistes de autant des arts visuels, des métiers d'art, mais aussi de la littérature, cinéma, poésie, musique, etc. Donc, vraiment, tous ces artistes autochtones pour aider à, si on peut dire, promouvoir la culture autochtone et les artistes aussi à promouvoir leur art au Canada. Donc, c'est quand même un gros prix qui a été remis par la Fondation Natichin. J'espère que je le prononce correctement, mais voilà, donc 1,5 million au total qui a été distribué, si on peut dire. Et il y a un autre artiste de la région de Québec, de Wendakim, et dans la littérature, là, qui s'est mérité aussi un prix, donc Louis-Carl Picard-Sioui, mais en tout, 18 lauréats du Québec quand même qui ont bénéficié de cette bourse-prix aussi. Donc, ce sera le 22 mai qu'ils vont pouvoir aller au cours d'une cérémonie et récupérer leur prix. Voilà. C'est une belle nouvelle. Oui, félicitations Ludovic qu'on sait bien présent dans la ville de Québec. Oui. Alors, on va vous laisser pour une petite pause audio. Donc, la sélection de Simon Roy cette semaine, donc qui nous présente l'artiste Bloc 8. Donc, c'est tout nouveau, là, ça vient de sortir aujourd'hui. L'album, le EP, en fait, Sorry About The Rain, c'est un artiste qui est un peu de down-tempo trip-hop, instrumental hip-hop. Donc, le titre de cet extrait, c'est Bombing. On débute cette édition du 18 avril en compagnie de Anne-Sophie Homer. Bonsoir. Bonsoir. Audrey. Bonsoir. Et Julienne Charbonneau. Bonsoir. Donc, on voulait parler avec vous ce soir des expositions qui ont cours à l'œil de poisson. On pourrait peut-être commencer en premier lieu avec celle qui nous attend dans la Grande Galerie. Donc, Richard Ibgui, et Marie-Lou Lemons, ce qu'on avait vu, à vrai dire, la dernière fois ici à Québec à la bande vidéo à l'époque de Manif d'Arcet. Donc, ça fait déjà quand même 3 ans quand même qu'on les avait pas vus. Et c'est The Golden USB. Bon, c'est quand même intéressant parce que ça fait référence à la technologie, mais on nage un peu ici dans la science-fiction, mais inspiré de la réalité, si je peux dire. Anne-Sophie, peut-être tu peux nous présenter un peu quelle est la base de cette exposition-là chez ces artistes. Oui, alors en fait, le projet, il est basé sur un projet de la NASA dans les années 70, qui avait envoyé en 72 The Pioneer Plague et The Golden Disc dans l'univers. Et il présentait quelque part sur un disque la Terre. Alors, il présentait 2 êtres humains, un homme, une femme, 52 façons de dire bonjour dans différentes langues, la musique classique, des images d'animaux. À l'époque, c'était vraiment une version plus scientifique et humaniste. Alors que là, en 2016, en 2017, les artistes ont décidé de faire la même version, mais en version commerciale. C'est-à-dire que cette fois, l'être humain envoie une clé USB en or dans l'espace, mais avec dessus un catalogue de tout ce que les terriens pourraient vendre à des extraterrestres. À ce point de se dire que l'être humain est capable d'à peu près vendre tout ce qui l'entoure. On imagine Nestlé qui trouve de l'eau sur Terre et qui décide de le mettre en bouteille et qui le vend alors que l'eau n'appartient pas. Des gens qui vendent des animaux. À quel moment l'être humain a le droit de vendre des animaux? Voilà, donc ça c'est le concept qui a changé par rapport à quelque chose de réel de ce projet de la NASA et qui en devient voilà, une exposition artistique en 2017. Oui, et puis déjà là, ton premier commentaire par rapport notamment à l'eau, aux animaux, amène une réflexion, mais peut-être avant de sauter à ça, je dirais, quand on rentre, oui, il y a cette clé USB qui nous attend dans un petit présentoir vitré, là, comme ça, et puis après, on découvre à la fois des vidéos, des objets, des graines aussi, hein, des semences qui sont là, toutes sortes aussi une espèce de grande cage en même temps aussi. Donc, de façon aussi, je dirais, quand même assez muséologique, hein, dans l'effet de présentation, la scénographie n'est pas anodine non plus quand on regarde comment tout ça est présenté. Oui, puis la galerie est plongée dans le noir, hein, ça rajoute aussi à l'effet un peu muséographique, scientifique. Oui. On est très loin du cube blanc. Exactement, puis les murs ont été repeints aussi en couleur foncée, exact. Oui, tout à fait. Oui. En fait, les artistes ont décidé de présenter donc ce qui est sur le contenu de la clé, donc ce catalogue de tout ce qu'on peut trouver sur Terre, et de le présenter avec une certaine forme finalement de sensualité, en ayant une unicité dans l'objet. C'est-à-dire que sur une des vidéos qui s'appelle Mud, on retrouve l'artiste qui ramasse à terre un bloc de boue, voilà, de boue, et qui le présente d'une façon comme si ça pouvait être un objet finalement rare ou un objet qu'on a envie de présenter. Et toutes ces performances mettent en avant finalement quelque chose de commun pour la plupart des gens, mais le mettent en... comment dire, le mettre en exergue comme ça sur une des vidéos. C'est ça, c'est la façon comment c'est présenté, tout ça. Tu sais, moi, je suis arrivée à un moment donné, une vidéo, il y avait des fils enroulés autour d'une bobine de fil qu'on met dans une machine à coudre, par exemple. Et puis là, ils étaient toutes disposées. Des objets communs qu'on trouve au fond d'un sac à main. C'est ça, très banal. Oui, vraiment, très banal. La brique qu'on trouve à l'entrée, sous la lumière, qui est une brique de terre qu'ils ont trouvée en Équateur. Et puis c'est ça, dans le fond, ça pose notamment la question de la propriété. À qui appartiennent ces choses? Et dans le fond, à qui va revenir cet argent finalement? Parce qu'on est encore là, pas dans une logique, comme tu l'expliquais, de présentation, de faire connaître. On n'est pas dans le côté culturel, la chose, mais plutôt dans le côté mercantile. Le commerce. Et là, c'est ça aussi qui vient à l'esprit quand on se dit, bon, mais oui, ces choses qui sont... notamment qui serait à vendre, qui peut s'en porter réclame, réclamer. Oui, c'est qui va faire de l'argent avec. Oui, exact. Argent ou autre valeur d'échange, on ne sait pas aussi qu'est-ce que ça peut être, mais ça pose cette question-là. Oui, la propriété. Oui. Exactement. Les objets, finalement, il y a une partie de vente d'objets qu'on retrouve dans l'exposition, mais il y a il y a également une partie de vente de savoir-faire. Il y a, ils vendent également un cours de cuisine. Ok. Mm-hmm. Qu'on trouve sur un des écrans, qui est une artiste justement de l'Équateur, qu'ils ont filmé en train de cuisiner des choses assez étonnantes. Oui, quelque chose du registre de l'étrange aussi dans ce qu'elle cuisine. Là, on n'est pas dans la cochon d'Inde, notamment. Dans la pizza. Oui, c'est ça, le cochon d'Inde entier. Ouais, ouais. On est vraiment loin de nos habitudes alimentaires nord-américaines. Et puis, dans les savoir-faire, il y a également un cours de bricolage ou des formules mathématiques où vraiment, ils ne vendent pas que des objets. Vraiment, tout ce qui pourrait se trouver sur Terre, comme les savoir-faire des objets, pourrait être vendu à des extraterrestres. Mm-hmm. C'est pousser les limites de la mondialisation en étant au niveau de l'univers, quoi. Oui, et puis, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas non plus de valeur, parce qu'il y a quelque chose de didactique dans la présentation aussi, avec justement cette espèce de carte qui nous indique, bon, qu'est-ce qui est quoi, mais en même temps, il n'y a pas de signe de valeur, de monnaie d'échange, en quelque sorte, qui est proposé, puis ça accroche aussi en même temps. Parce que d'habitude, on pense côté banque, mercantile, il y a une valeur qui est associée. Oui, ça pose la question de la valeur de ces choses-là. Mm-hmm. En les proposant, on leur donne une valeur, mais la valeur n'est pas, elle n'est pas proposée en même temps. Il n'y a pas un chiffre qui est donné. Et pourtant, tout est mis à égalité. Sur la vidéo de présentation, on présente autant un bouton qu'on va présenter un objet en cuir où finalement, effectivement, il n'y a aucune valeur et tout est à égalité, en fait. Et puis, en même temps, moi, ce que ça m'évoquait quand j'ai regardé tout ça, bon, on parle d'une foule d'objets qui sont répertoriés, mais en même temps, ça pose la question aussi du rapport pas de la valeur des choses, mais je veux dire de la perception du monde. Hein? Parce qu'en même temps, si on repart au départ, d'où ça provient, tout ça, de dire, bon, mais les façons de dire bonjour en plusieurs langues, il y a quand même une sélection qui se fait. Puis en même temps aussi, dans l'exposition, il y a cette sélection d'objets, mais aussi de cours ou de choses qu'on trouve importantes. Il y a ça aussi qui est intéressant parce qu'on rentre en nous disant, ben oui, c'est le catalogue de tout. T'sais? Alors que là, tout n'est pas là. Tout n'est pas là, mais aussi il y a une sélection quand même. Quand on vend quelque chose, on sélectionne ce qui est peut-être plus susceptible d'être vendu. Il y a ça aussi qui est particulier, qui est propre, je pense, autant au projet initial de la NASA versus ce projet-là aussi. Oui, tout à fait, parce que là, les artistes ont vraiment établi une sorte de méthode de classification qu'on retrouve d'ailleurs sur un des socles. Oui. Et ils ont classé ça suivant les savoir-faire, suivant les objets. Et finalement, leur choix est vraiment, comment dire, c'est des choses vraiment banales. Mais effectivement, qui sommes-nous pour dire ce qui est banal ou non dans ces objets, qu'est-ce qui le serait pour quelqu'un d'autre? Et oui, cette façon de le mettre en avant avec les lumières, avec ces sons également qui sont très présents dans l'exposition, fait qu'on regarde peut-être les objets d'une autre façon, notre point de vue, notre regard change sur ces présentations-là. Oui, exact. Puis il y a le rapport au temps en même temps, parce que je me dis, par exemple, si cette clé USB, bon, voyage dans le temps, mais comment aussi temps et perception est là, tu sais, je veux dire, on regarde la perception qu'on pouvait avoir du monde dans les années 70, ben c'est pas la perception du monde qu'on a aujourd'hui, puis en même temps, ça, ce rapport à cette sélection de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important, il y a tout ça aussi que ça amène comme réflexion, cette exposition. Oui, tout à fait. Bah, notamment les plaques, on ne sait pas du tout ce qu'elles ont pu devenir. Mm-hmm. Et d'ailleurs, je pense que même la plupart des scientifiques avaient de la difficulté à lire ces plaques. Donc aujourd'hui, voilà, on ne sait pas quels seront leurs destins. Et cette clé USB qui est évidemment prévue d'être lancée dans l'espace. Mm-hmm. Non, là je plaisante, je pense que les artistes n'ont pas du tout prévu de le faire. Mais en tout cas, mais quand même, là, on aime l'idée. On aime l'idée. Le concept, l'idée que ça pourrait justement aller. Puis en même temps, il y a cette petite clé-là, mais on se dit, oui, mais est-ce que réellement tout est là? T'sais, on serait curieux de la prendre, de la mettre dans un ordinateur, de la regarder aussi. Donc, il y a ça qui nous questionne, c'est de l'ordre de la croyance en même temps aussi quand on regarde cette exposition-là. Mais on a envie d'y croire. On a envie d'y croire que tout est dessus. Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est une exposition qui, quand même, date de, comme on disait, de 2014, donc qui évolue, je pense, dans le temps, selon les modes de présentation aussi. Est-ce que tu sais un peu quel genre de forme ça a pris? Je ne veux pas te mettre en l'embarras, mais est-ce que tu avais vu un peu d'après les photos que j'ai vues, donc c'était à Vox, à Montréal, en 2014, et effectivement, il y avait peut-être un petit peu moins d'écran. Je pense qu'ils n'avaient pas encore travaillé sur leur méthode de classification à ce point-là. Okay. Ils ont fait depuis différentes résidences d'artistes autour du monde. La dernière, ils étaient à Fogo de septembre à décembre. Oui, oui, effectivement. Et ils ont continué à enrichir ça en étant... ils habitent dans une ferme, en fait, à côté de... à Durham. Et ils continuent à enrichir ça de vidéos, d'objets qu'ils récoltent, et ils enrichissent leur méthode de classification au fur et à mesure. Eh bien, parlons peut-être de cette activité qui est en lien avec l'exposition directement, Juliane. Donc, tu as conçu une activité pour les enfants. Est-ce que ça s'adresse à un public en particulier? En fait, l'activité a été développée pour un jeune public afin de créer des liens justement autour d'une activité de médiation culturelle pour permettre aux jeunes d'interpréter de leur propre manière l'exposition avec justement un appui des adultes qui pourraient se trouver dans la pièce avec eux. Et à ce moment-là, on réfléchit ensemble à différents sens que cette exposition peut prendre qui sont valides. Et à cet effet, on a décidé d'orienter la réflexion par rapport à cette activité autour des organismes génétiquement modifiés, également des comparaisons qu'on peut faire entre les spécimens naturels que l'on trouve sur la Terre et de ceux de la potentielle planète de potentiel extraterrestre, afin de voir de quelle manière est-ce que, autour justement de ce projet de bestiaire imaginaire, on peut amener les jeunes à déployer toute leur créativité et dessiner afin d'amener dans une direction de projet collectif un bestiaire imaginaire dessiné qui, en fait, sert de prétexte à créer une capsule temporelle qu'on réouvrira à l'œil de poisson dans 20 ans. Donc, ah, cette même. Première phase de la capsule temporelle a été réalisée. On vous parlera tout à l'heure de la suite. Et pour le moment, en fait, c'est ça, on a travaillé avec un groupe de jeunes de la Maison Jaune et ensemble, justement, on a fait le tour de l'exposition, puis ensuite, on a travaillé ensemble à développer un imaginaire autour de la table et de plusieurs crayons de couleur. Oui, donc, et là, ce samedi a lieu le deuxième volet, mais même si on n'a pas participé au premier volet, c'est... On est bienvenu. Absolument. Donc, là, vraiment, on est dans autre chose, là, comme tu parlais d'un bestiaire, je pense, la semaine dernière. Puis exact. Là, on est dans un autre registre, là. Pour celui de cette semaine? Pour celui de cette semaine, oui, c'est ça. Oui, tu peux nous en parler. Alors, on s'inspire des deux salles d'exposition. Donc, l'activité pop-up de ce samedi 22 avril sera autour de l'exposition d'Esterkampf. Okay. Et on développera à ce moment-là des prototypes miniatures de mobilier du futur. Comment est-ce qu'on s'imagine que les terriens vivront dans X nombre d'années? Et ensemble, on va essayer de voir avec des matériaux souples ou des bâtons de bois ou autres, comment est-ce qu'on peut s'imaginer justement la vie telle que également Esther a exploré dans sa recherche d'amener une réflexion autour du mobilier, de montrer comment les choses sont faites et également d'être ancrée dans les éléments de la nature qui nous entourent. Oui, oui, exact. Et ben justement, on pourrait, avec ce commentaire, introduire l'exposition aussi, parce que Esther Kempf, c'est une artiste qui a été en résidence, c'est elle qui a remporté la résidence de 3 mois à l'œil de poisson. Donc, elle est là depuis janvier, je crois. Oui, ben, elle était là parce que elle vient de partir. Elle est repartie. C'est quand même une artiste au parcours, je dirais, assez vaste, assez multi. Continentale. Enfin, elle est d'origine camerounaise. Elle a vécu à différents endroits dans le monde, nationalité suisse. Mais elle, c'est un peu ça aussi qui alimente, je pense, ses résidences qu'elle fait un peu partout dans le monde, qui alimente sa pratique artistique. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, Esther était avec nous depuis le début janvier. Donc, elle a travaillé dans les ateliers de l'œil, mais pas seulement. C'est une artiste qui est née au Cameroun et depuis, effectivement, comme tu le disais, elle n'a pas arrêté de voyager. Donc, elle revenait d'une résidence au Brésil. Donc là, elle était au Québec pendant 3 mois. Là, elle rentrait à Zurich. Elle ne savait pas exactement où est-ce qu'elle allait atterrir pour la prochaine résidence, mais ça, c'est vraiment son truc, c'est de bouger. Elle a fait ses études à Amsterdam, d'ailleurs. OK, oui. Donc, Esther, elle est arrivée ici sans un réel projet en tête. Voilà. Okay. Et elle s'est baladée dans la ville, et ce qui l'a vraiment étonnée rapidement, c'est la quantité de neige qui était tombée sur Québec. Mmh. Et donc, elle s'est aperçue de quelque chose, c'est que les gens, ici, en hiver, marchaient à 2 pieds au-dessus de l'été. Donc, parce qu'elle utilise vraiment son entourage comme une poésie. Et donc, elle a eu 2 de ses photos qui s'appellent « Two Feet Under Summer ». Mm-hmm. Donc, en fait, elle a creusé la neige pour en faire des marches qui descendent au niveau de l'été. Donc, d'accord, oui. Voilà. Donc, on est vraiment dans l'ordre des constructions aussi. Oui. Elle découvre aussi des bancs qui étaient cachés sous la neige. Tout à fait. Donc, vraiment, c'est ça, c'est un peu de nous faire revoir ce que la neige camoufle en quelque sorte, donc des interventions éphémères qu'elle fait dans la ville. Oui, voilà, elle s'est aperçue effectivement que la neige était un super médium pour travailler, donc mm-hmm. elle en a fait des sculptures, elle a fait des multiples d'objets existants, elle a fait également des découvertes archéologiques en creusant un peu sous la neige, elle a dû faire des escaliers, des objets cachés mm-hmm. par l'hiver, parce que pour elle, la neige modifie complètement la ville et son apparence. Mm-hmm. C'est intéressant aussi parce qu'elle explore l'espace négatif. Oui. Donc, l'espace qui est creusé par la neige devient mm-hmm. en quelque sorte la sculpture en tant que telle. La sculpture étant composée du vide. Là, j'ai trouvé mm-hmm. ça très intéressant. Tout à fait. Mm-hmm. Et je pense qu'on peut parler de sa vidéo également. Oui, bien sûr, parce que là, c'est une autre forme de construction finalement, oui. parce qu'on est là, on est dans le concret avec ces sculptures de neige ou ces objets qu'elle découvre qui sont cachés sous la neige. Là, on est dans une vidéo où c'est plus de l'ordre du parler. Tout à fait. En fait, là, la fiction, elle l'a créée avec des mots. Donc, ça se passe au Cameroun et c'est un homme qui vient de louer un appartement et il explique de quelle façon il va le meubler. Donc, ça nous arrivait à tous d'arriver dans un nouveau lieu qu'on vient de louer et de se dire « là, je vais mettre mon frigo, puis là, je vais mettre l'armoire » et la personne, en fait, de dire « on mettrait plutôt l'armoire de l'autre côté » comme si on les voyait, ces objets. Et finalement, on arrive presque à les imaginer en regardant cette vidéo et ces murs vides. Et puis, elle est vraiment à voir, cette vidéo, parce qu'il a un tel enthousiasme, cet homme. Oui, c'est vrai. Espace qui nous paraît à nous tellement petit, tellement presque triste. Mm-hmm. Oui, effectivement. Et puis, il y a des constructions c'est un peu un témoignage qu'on a dans la petite galerie parce qu'on a des photos de ces interventions qu'elle mm-hmm. a faites. Il y a cette vidéo qui est diffusée, mais encore une fois, il faut monter sur une construction aussi. Donc, vraiment, on est dans cette façon de représenter sous diverses formes mm-hmm. la construction, mais notre rapport, si on peut dire, à l'hiver, à l'été, enfin, voilà. qui est différent, qui nous fait ressortir des éléments qui ne nous apparaissent plus au visage, mais que vu d'un œil externe, voilà, elle nous les révèle à nouveau. Tout à fait. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Sophie, d'être venue nous en parler. Et on va terminer avec Juliane en disant que cette activité, donc, est ouverte à tous ce samedi 22 avril. C'est de quelle heure à quelle heure? Ce sera de 10h à midi. Oui. Et vous pouvez nous contacter pour faire les réservations afin qu'on puisse préparer le matériel pour toutes les personnes qui souhaitent participer. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un coût qui est associé à ça? Le coût est de 5$ par participant. Puis si les jeunes qui souhaitent être présents à cette journée-là, ils peuvent être également accompagnés de leurs parents, de leurs grands-parents ou de leurs proches. Ça va te faire plaisir d'accueillir tout le monde. Exact. Donc, on répond, à vrai dire, on mentionne notre intérêt à l'adresse info@commercialoeildepoisson.com. Et voilà, qui sait comment votre œuvre sera redécouverte mm-hmm. dans 20 ans. À l'œil de poisson. Merci les filles, c'était gentil. Merci les filles. Merci à vous. Et vous avez jusqu'au 30 avril pour voir ces 2 expositions d'Esther Kempf ainsi que Richard Ibgui et Marie-Lou Lemons. On s'en va à la pause publicitaire et on revient pour la deuxième moitié d'émission. CKRL 89.1. Vous avez le goût de faire de la radio? C'est-à-dire qu'on fabrique des images avec des voix et des sons. Un sujet vous passionne depuis longtemps? Il y a tous les ingrédients, mais pas de recette. C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison d'été 2017. La marche à suivre est simple. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca dans la section Proposer une émission et remplissez le formulaire en ligne. Le reste nous appartient. Vous avez jusqu'au 4 mai. La saison estivale débute le 29 mai et se termine le 3 septembre. Je confirme. Le samedi 29 avril, la Maison de la littérature présente « Le chemin qui marche ». une soirée d'escale littéraire sur le Saint-Laurent. Ce voyage polyphonique sera ponctué, entre autres, des mots de Joséphine Bacon, Dany Laferrière, Germaine Guévremont, Nicole Brossard et Jacques Poulain. Le tout lu par Lise Gauvin et Pascal Montpetit. Au cœur du Vieux-Québec, la maison de la littérature. Votre maison pour écrire, lire, vivre. De retour pour cette deuxième demi-heure de l'aérospatiale sur les ondes de CKRL et on est maintenant en compagnie de Émilie Poraka. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Alors, tu es allée voir pour nous l'exposition de Patrick Doyon qui s'intitule Grrr. Exactement. À la bande ou GRR. Oui, il y a une signification derrière ça. Oui, exactement. Une signification justement. Justement, allons-y, parlons-en de ça. Oui, donc Grrr, c'est aussi pour Georges Rémy, qui est plus connu sous le nom de Hergé, le papa de Tintin. Mm-hmm. Donc, c'est Georges Rémy, relu et remixé par Patrick Doyon. Mm-hmm. Et la deuxième signification, c'est l'onomatopée que fait Milou, le chien de Tintin, mm-hmm, son fidèle acolyte qui l'accompagne partout et qui a tendance à grogner quand il voit le danger ou quand il veut... Oui, il a du pif. Exactement. Mm-hmm. Donc, puis, belle... écoutez, moi, c'est une belle découverte. Puis, mm-hmm, petite expérience perso, j'ai fait les choses à l'envers cette fois-ci. Habituellement, je vais toujours voir une expo puis après, je me documente dessus. Je fouille pour savoir si mon intuition était bonne. Et cette fois-ci, je l'ai fait à l'envers. Congé, mm-hmm, de Pâques a fait que, mais eh ben, j'ai vraiment aimé ça parce que ça m'a permis d'apprécier l'exposition. Mm-hmm. Ça te donnait mieux du contenu pour, exactement, bien recevoir. Hein. Exactement, parce que on a tous lu à un moment donné un album de Tintin sans être vraiment un fan fini, mm-hmm, mais quand on arrive face à cette exposition, mm-hmm, c'est pas tout de suite évident, hein, qu'il s'agit de Tintin, c'est pas... Non, on le devine pas nécessairement tout de suite. Ben, l'échelle est transformée. Exactement. Les personnages sont agrandis, les traits, mm-hmm, sont grossis, on, mm-hmm, est vraiment devant... Mais il y a quelque chose de quand même familier, oui, et puis on se dit... De d'étrangement familier. Exactement. On cherche. On cherche, exactement, on cherche... Je l'ai vu quelque part, mais où? Où est-ce que je l'ai vu? C'est sûr que quelqu'un qui a lu les 23 albums de Tintin et qui peut me dire les bulles par cœur, lui, va reconnaître tout de suite, c'est certain. Mais, mm-hmm, quelqu'un qui a vu quelques albums par-ci par-là, c'est pas évident. Donc, se renseigner puis savoir le pourquoi du comment il est arrivé là, moi, je, mm-hmm, trouve ça assez intéressant, mm-hmm, et ça m'a donné un autre regard mm-hmm, à l'exposition. Il s'agit quand même d'une installation. Il y a trois écrans oui, qui vont avoir trois écrans différents qui reprend un peu les trois codes récurrents chez Tintin. Mm-hmm. Puis, c'est la manière dont Patrick Doyon, je sais pas pourquoi je l'appelais Dorion, mais Patrick Doyon, mm-hmm, s'y est pris. Ben, il est passé à travers les 23 albums, justement, de Tintin, un scanner, un ordinateur. Il a scanné les images qui semblaient le plus pertinent. Il a fait un peu de la macroscopie. Donc, oui, il est vraiment allé agrandir à son maximum les images pour après les enchaîner les unes après les autres. C'est ça, parce qu'il y a une très grande vidéo. Quand on entre à la bande vidéo, il y a une très grande vidéo sur le mur. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est une image aussi. Oui, ce sont des bulles qui sont agrandies, mm-hmm, mais il reste que c'est une image qui se dédouble, hein, qui est, oui, comme en en miroir, oui, si on peut dire ici. Et j'ai demandé, j'ai discuté moi cette fin de semaine avec Pascal qui est à la galerie. Ben oui. Et c'est ça qu'elle me disait, c'était pas prévu, je pense, au départ. Et puis finalement, ils ont joué dans l'espace. Ah, bon. Et c'est apparu. Mais moi, je trouvais ça intéressant parce que ces images, quand on les regarde, plusieurs de ces images qui sont sélectionnées pour cette vidéo contiennent des armes, hein, où on voit soit Tintin ou un personnage tenir une arme, et l'effet de miroir fait que les armes se pointent l'une vers l'autre. Exactement, exactement, ils se répandent. Puis ce qui était intéressant là-dedans, c'est que le fait que ça s'appelle que ça reprend un peu l'onomatopée de Milou, qu'il y ait les armes, finalement, c'est pas anodin. Il s'est rendu compte à la lecture, parce qu'il faut savoir que l'artiste était pas fan de Tintin quand il était petit. Il l'a vraiment lu sur le tard. Et il s'est rendu compte que il y avait beaucoup de violence, en fait, dans Tintin. Il y avait il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que quand on est tout jeune, moi j'ai un fils de 10 ans, il les lit les Tintins, puis je suis pas sûre que si je lui en parle, il va le popper tout de suite, là. Mm-hmm. Mais effectivement, puis il trouvait que il y avait un contexte quand même actuel, notamment ce qui s'est passé en Belgique. Il disait que c'est pas anodin. J'ai appelé ça re à l'arrivée parce que la violence et tout ça. Donc, il trouve qu'il y a quand même un bel écho. Ben, bel. Je sais pas si c'est vraiment, mais il y a quand même un écho avec l'actualité. Bien sûr. Et c'est pas. Pour lui, c'est quand même assez important pour ce projet, qui est quand même un projet qui est inédit. C'est vraiment la première fois qu'il le présente et qui est quand même salué par la critique. En ce moment à Québec, donc je le conseille vivement. Et puis, il y a deux autres vidéos aussi, il faut tout le dire. Fait, hein, en même temps, il y en a avec ces fameuses petites étoiles qui sont un peu partout, finalement, dans Tintin. Hein, quand quelqu'un, par exemple, se cogne la tête ou qui est un peu étourdi, quelque chose comme ça, il y a des petites étoiles un peu partout. Donc, c'est un bel agencement, si on peut dire, quand même assez esthétique, dans tout des fait. Bulles rondes. Des petits tons d'eau. Oui, exactement, ça. Qui bougent de manière... Ça devient boulier aussi. Exactement. Qui fonctionne bien. Puis le troisième écran, c'est un petit peu comme des petites spirales. Donc, c'est des spirales qui ont souvent dans la BD, on l'utilise quand on prend un coup ou un système de vitesse. Donc, il joue vraiment ces deux spirales qui se ressemblent mais qui sont à la fois différentes. Donc, on joue vraiment avec le rythme de chacune. Donc, il reprend les codes. Donc, quelqu'un qui connaît les BD va vraiment les reconnaître. Mais l'agencement des deux aussi est assez intéressante à ce moment-là. Donc, moi, je le conseille vraiment vivement. C'est une belle pause, il n'y a pas de son, donc on est vraiment, on a les images qui nous surgissent comme ça à suivre. C'est très, très intéressant. Donc les jeux formels aussi sont intéressants, ça transforme complètement les motifs et puis ça nous les fait les redécouvrir d'une autre manière. Tout à fait. Moi, je ne savais pas qu'il y avait autant d'étoiles dans les BD de Tintin. Oui, ça me donne presque envie de les relire pour essayer de les chercher repérer, les étoiles, de suivre les traces de l'artiste, d'aller chercher les étoiles. Tout aller chercher les petits tourbillons dans... Tout à fait. Mais les petits tourbillons, moi, avant de comprendre qu'est-ce que c'était, je trouvais que c'est juste, même formellement, un très beau jeu de lignes qui bougeait comme ça dans l'espace. Ça m'évoquait peut-être un peu un McLaren, par exemple. Il y avait quelque chose d'assez abstrait, malgré tout. Donc quelque chose de Sight-Humbly aussi, à la limite. Ouais, exactement. Oui, c'est vrai. Mm-hmm. C'est vrai, de la façon qu'elles sont placées. Donc, il y a ça qui est intéressant. Et peut-être, on pourrait aussi aborder juste rapidement quelque chose dont on a discuté tout à l'heure avec Anne-Sophie avant d'entrer en onde. C'est Pascal qui m'a apporté ça, mais la question des droits d'auteur. Parce qu'Hergé, c'est vraiment des, si on peut dire, la succession autour de Hergé. Ils sont très conservateurs. Ils sont très conservateurs et très, très féroces à protéger les droits de cet artiste, finalement. Et là, Patrick Doyon fait un peu dans l'illégalité. Là. Exactement. J'ai entendu un petit peu dans les murs de Méduse que... c'est pas dit qu'une telle exposition puisse se faire en France ou en Belgique, parce que ici au Québec, faut vraiment que ça s'exporte assez loin pour qu'on puisse rendre compte qu'il se passe de quoi. Mais effectivement, je pense qu'il a pas vraiment demandé les droits d'auteur, puis il a fait ça un petit peu on the side, si je puis m'exprimer ainsi. Mais il y a quelqu'un qui fait un ergéologue assez réputé qui est au Musée de la Civilisation en ce moment, qui est allé visiter l'exposition. Et il a salué le travail de Patrick Doyon en disant que Hergé lui-même aurait été content de voir le résultat. Donc je sais pas si ça gomme complètement les droits d'auteur. mais du moins, je pense qu'il aurait été content du résultat. C'est ça, mais déjà là, il y a quand même un accueil favorable. Tout à fait. Parce qu'en même temps, c'est ça, ça ne se veut pas critique. Non. Ah, c'est pas, on reprend, ce sont des détails. Exactement. Mais en même temps, on voit que c'est un travail intelligent qui a été fait autour, puis qui ne se veut pas, c'est ça. C'est pas irrespectueux. C'est ça, du tout. Chose de ludique, de formel, mais c'est pas irrespectueux. Non, du tout. Puis quand on s'intéresse un peu plus au travail de l'artiste sur ce projet-là, moi, j'ai découvert la notion de ligne claire qu'on connaît, les personnes, encore une fois, qui connaissent beaucoup les BD, connaissent. Ouais, c'est quoi la ligne claire? C'est la petite ligne noire qui délimite les couleurs entre elles et qui fait ressortir les formes. Mm-hmm. C'est Hergé qui l'a inventé, qui l'a faite. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de faire ça. Puis justement, il s'est intéressé à tout ce processus un peu de ligne claire, de comment ça ressortait. Et ça a été un petit peu l'amorce un peu de son travail, mm-hmm. un petit peu là-dedans. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas un hommage. Je sais pas si l'artiste aimerait qu'on emploie ce mot-là, mais c'est un beau clin d'œil, un peu exactement au travail de ce qu'est Hergé, ce qu'il a fait avec Tintin. Puis c'est vraiment, encore une fois, à voir vraiment pour couvrir. Je pense que c'est ça, les amateurs de autant les amateurs d'art visuel que les amateurs de bande dessinée, je pense, vont trouver leur compte aussi. Exactement. Là, les amateurs de Tintin aussi. Oui, là. Oui. On a même eu, je me rappelle, l'été dernier, une émission sur Tintin, là, justement, ici à CKRL. Donc, je suis sûre que ces animateurs, en tout cas, ou les auditeurs de cette émission-là apprécieraient beaucoup. Donc, une exposition à découvrir, on le rappelle, à la bande vidéo. Et c'est jusqu'au 30 avril. Jusqu'au 30 avril, bon, mais c'est parfait. On fait l'œil de poisson et la bande vidéo en même temps. Puis je pense que Vue aussi va se terminer également autour de ça. Donc voilà, fait que c'est une belle occasion de sortir et d'aller voir ces expositions. Mais bien, Milly, merci beaucoup. Ben, c'était un grand plaisir. Alors, nous, on va se laisser pour une petite pause audio et on revient avec Louane Bourdeau. Donc, on s'en va écouter l'extrait Love Hurts. Eh bien, on poursuit l'émission et on a une ancienne chroniqueuse. Une exilée, bien voilà, qui nous parle directement de Winnipeg. Louane Bourdeau, bonsoir. Bonsoir, Audrey. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Eh bien, tu m'as écrit pour me proposer un sujet que je ne pouvais refuser. À vrai dire, tu es, comme Jean-Tienne le disait, exilée maintenant à Winnipeg. Mais exactement. Il y a une très belle scène artistique francophone à Winnipeg et en ce moment, il y a des artistes de la ville de Québec qui se distinguent par chez vous. Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est ça. Pour ceux qui connaissent peut-être moins un peu le Manitoba, à Winnipeg, il y a un quartier qui s'appelle Saint-Boniface, mm-hmm. qui est un quartier qui est vraiment francophone, là, donc majoritairement francophone, disons. Puis, il y a deux espaces d'exposition qui, présentement, présentent des artistes de Québec. Donc, il y a le Centre culturel franco-manitobain, puis il y a aussi la Maison des artistes qui présente toutes deux des expositions. Je peux peut-être vous parler un petit peu, pour commencer, de ce qu'on voit au CCFM, donc le Centre culturel. Oui. En fait, C'est l'exposition Mon autre alter ego. C'est un collectif. Vous avez peut-être déjà eu la chance d'ailleurs de le voir à Québec parce que tout récemment, en fait, c'était présenté à l'espace parenthèse au musée. Oui, on les a reçus en entrevue pour nous parler de cette exposition-là. Et on a fait une entrevue préenregistrée parce qu'elle devait quitter pour le Manitoba. Elle ne pouvait pas être présente mardi à l'émission. OK. Donc, c'est ça, en fait. C'est super parce que donc c'est vraiment quatre artistes qui sont venus dans l'espace. Puis il faut savoir que le Centre culturel, en fait, c'est pas qu'une galerie qui présente de l'art, mais vraiment, il y a aussi une salle de spectacle, un restaurant, il y a un centre de documentation. Donc, c'est vraiment plus comme un espace pour faire découvrir l'art, vraiment initier à l'art. Oui, c'est un peu comme une maison de la culture, si on veut. Oui, exactement. Ça pourrait être une bonne comparaison, là. Donc, vraiment, l'espace là-bas, c'est un espace qui est central. Tout le monde y a accès. Puis les gens sont invités à aller, bien sûr, le parcourir. Puis c'est un espace qui est circulaire. Donc, au centre, il y a, entre autres, un ascenseur. Donc, ce qui permettait vraiment à chacune des artistes d'avoir, disons, son petit coin dans l'exposition. Mais c'est une exposition qui a quand même une grande cohérence, là, tout ensemble. Donc, il y a aussi des éléments là, qui créent des dialogues entre les différentes artistes. Moi, c'est certain que je ne l'ai pas vu à Québec, mais ce qui était présenté à Winnipeg, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment la multitude des propositions dans les médiums. Donc, il y a de la photo, il y a de la sculpture, de la peinture, des installations, de l'impression. Puis l'espace est vraiment utilisé de façon assez exceptionnelle. Donc, il y a des œuvres qui sont au sol, il y en a d'autres au mur, il y en a qui sont accrochées, il y en a qui sont aussi dans des modes de présentation, disons, plus traditionnels, des socles sous-verre, etc. Donc, c'est vraiment un dialogue entre les artistes sur la notion de nature. Mm-hmm. Ça prend toutes sortes de formes, oui. Hein? Oui, exactement. Donc, parfois, c'est la nature d'ici, parfois la nature d'ailleurs, la façon dont l'homme a aussi posé sa trace dans la nature. Je pense, entre autres, à une installation. Là, donc, c'est un gros chevreuil qui est au sol et on le voit comme s'il avait été frappé par une voiture, disons, puis il y a plein d'insectes là, qui sont posés dessus, donc c'est vraiment, je dirais pas grandeur nature, mais pas loin, donc c'est quand même assez gros, c'est assez imposant. Il y a aussi d'autres interprétations de la nature qui sont un peu plus imaginaires, je pense entre autres aux peintures de Fanny Ménard, où il y a quelque chose d'un peu plus totémique, mythologique dans la façon dont la nature est présentée, donc c'est vraiment très variés comme type d'œuvres qui sont présentées tout ensemble. Oui, et on pourrait peut-être rappeler le nom des artistes aussi du collectif. Ah oui, c'est vrai, j'ai même pas dit. Ben, c'est pas grave. Isabelle Demers, il y a aussi Amélie Laurence-Fortin, il y a Fanny Ménard et il y a aussi Jacinthe Loranger. Donc, quatre artistes féminines qui font partie de ce collectif. Ben c'est ça. Et puis, si on saute de l'autre côté à la Maison des artistes visuels francophones, eh bien, là, c'est Camille Bernard-Gravel. Donc, c'est toute une belle délégation féminine qui est oui, pas chez vous. Tout à fait. Donc, en fait, c'est encore une fois une exposition que vous avez peut-être pu voir, pas à Québec cette fois, mais à Trois-Rivières. Donc, ça a été présenté au début de l'hiver à la Galerie d'art du Parc de Trois-Rivières. C'est une exposition qui s'appelle « Se révéler par la surface ». Et ça traite vraiment de la lumière. Donc, il y a, disons, quatre œuvres qui sont présentées. Trois sont des œuvres vidéo. Donc, il y a aussi une installation qui, elle, vraiment a capté mon attention de manière assez spectaculaire. Oui, oui, parle-nous-en. C'est une installation qui s'appelle Samar. Puis d'ailleurs, si vous allez sur le site de Camille, vous allez pouvoir voir un petit vidéo là, qui présente un peu l'œuvre pour vous faire un peu une idée. C'est une installation qui est au mur où il y a plusieurs dizaines, sinon centaines de pièces métalliques dont la forme ressemble un peu à des samars qui sont installés là, qui oscillent avec l'aide de trois ventilateurs et qui sont éclairés par trois spots. Donc, c'est un dispositif qui est tout à fait simple, mais le reflet que ça crée, c'est assez exceptionnel. Ça, il y a quelque chose de très contemplatif. C'est comme regarder les reflets de la lumière sur l'eau. Donc, c'est vraiment une œuvre qui vraiment capte l'attention. Puis, mm-hmm. On pourrait regarder très, très longtemps comme ça. Est-ce que ça fait des sons aussi ou c'est vraiment juste la lumière? C'est vraiment la lumière. Okay. C'est sûr qu'on entend comme le ventilateur, des choses comme ça. On entend peut-être un petit peu aussi le oscillement des pièces, mais c'est vraiment la luminosité de l'œuvre qui attire avant tout. Puis, dans la même pièce, est présentée une autre l'œuvre vidéo Neige sur mer, qui, elle, présente vraiment un vidéo où on voit des reflets de la lumière sur l'eau. Donc, il y a vraiment un dialogue qui se crée entre les deux sur la perception de la lumière, sur les différentes façons de le comprendre. Donc, c'est une exposition, encore une fois, qui est quand même très près de la nature, là. Donc, toutes les œuvres vidéo sont aussi des vidéos qui sont tournées dans la nature où l'artiste va jouer encore une fois avec des perceptions de la lumière. Des fois, on a l'impression presque que la lumière était réelle, mais il n'y a aucune manipulation vidéo qui a été faite. C'est vraiment des choses qu'elle a filmées. Des fois, c'est juste les choix de prise de vue ou d'angle à donner à la caméra. Les matériaux aussi, je pense, qui ont une grande importance dans son travail. Oui. Effectivement. Et puis, peut-être on pourrait juste dire quelques mots sur la Maison des artistes aussi, parce que c'est un peu comme un centre d'artistes, je pense. Oui, tout à fait. Donc, c'est un centre d'artistes qui existe depuis 2000, qui soutient la diffusion des artistes francophones. À peu près 50% de la programmation, ce sont des artistes franco-manitobains, donc du Manitoba. Mais il y a un autre 50% qui vient d'un peu partout. Vraiment, le point clé de la présentation, ce sont des artistes francophones. Donc, il y en a plusieurs du Québec. Donc, la Maison des artistes a plusieurs espaces. Il y a la galerie où est présentée l'exposition de Camille, mais il y a aussi le studio. Ce sont des œuvres qui sont un petit peu plus expérimentales. On a aussi un peu plus de travail de la communauté. Puis aussi le jardin de sculpture. Donc ça, c'est tout un jardin extérieur où il y a des installations. Puis il y a un petit point que je voulais rajouter par rapport à l'exposition de Camille. C'est qu'il va y avoir une publication qui va bientôt paraître. Donc on a ça en exclusivité ce soir, l'émission. Mais donc c'est super intéressant pour une artiste comme ça qui a diplômé en 2014. Donc ce sera sans doute la première publication à son propos. Donc c'est vraiment super de pouvoir appuyer comme ça les artistes en développement. Puis je pense que la Maison des artistes cherche de plus en plus à s'affirmer de cette façon-là. Donc, est-ce que c'est une publication qui est éditée par la Maison des artistes? Oui, okay. Tout à fait. Ah ben c'est super, vraiment. Puis on le voit aussi dans le mandat, là, quand on va sur le site web de la Maison des artistes, que ça fait partie du mandat, donc de contribuer à la promotion, à la diffusion des arts visuels, aux besoins de représentation des artistes, à leur formation. Donc vraiment, c'est assez intéressant tout ça. Puis je pense que ça nous donne vraiment le goût d'aller te voir à Winnipeg, Louane. Ben oui, venez me voir. Ça me ferait plaisir. Mais aussi, j'invite vraiment à tout le monde qui est intéressé justement par les arts visuels, artistes ou les gens qui veulent visiter un peu les autres provinces, aller voir les galeries qui sont avec le regroupement de la GAV. Il y a plein de galeries francophones dans toutes les provinces, puis vraiment, il y a toutes sortes d'opportunités, tant pour exposer que pour voir des expositions vraiment excellente. Oui, et puis appel le dossier aussi qu'on peut facilement consulter et participer. Eh bien, Louane, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Et puis, écoute, si à un moment donné d'autres expositions comme ça se présentent, ça nous fera plaisir d'en glisser un mot à l'émission. Super. Eh bien, salutations de Québec et grosse bise. Bye. Au revoir. Alors nous, on va faire une très courte pause audio. Et on vous revient avec l'agenda de la semaine. Mmh. Alors, Jean-Tierre, on termine l'émission avec l'agenda de la semaine. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Jeudi, du côté de la galerie d'Engram, il va y avoir la kermesse. La kermesse, c'est une invitation des finissantes du bac en arts visuels à l'école d'art. Donc, qui nous invite à un 5 à 7 sympathique, donc pour j'imagine, financer l'événement de leur exposition, mais également nous inviter à les rencontrer autour de jeux, de bières de microbrasserie, et de discussion, donc une soirée animée en perspective à chez Engram jeudi. Ça va être le vernissage du collectif Caravane Bling Bling. Donc, vernissage de l'exposition qui dure depuis la semaine dernière déjà. Le collectif Caravane Bling Bling, qui est composé de Mathieu Fecteau et Lauriane Thibodeau, qui expose à Espace Parenthèse. Les deux artistes ont invité d'autres artistes à participer à cette exposition-là. Un concept là, qui m'a l'air assez intriguant. J'ai pas encore vu l'exposition, mais semble-t-il que les œuvres sont enveloppées d'argile dans des espèces d'habitacles. Ça irait très bien avec les deux artistes, effectivement. Oui, c'est ça. Il faut aller découvrir ça ce jeudi pour rencontrer des artistes. C'est ça, à partir de 17h30, c'est le vernissage à Espace Parenthèse avec les artistes invités. Il y a Marie-Fauve Bélanger, Guillaume Côté-Roux, Camille Cyr, Marie-Claude Drolet, Mathieu Gauthier, Julien Lebergie, Mathilde Leveau, Nicolas Maisonneuve et Émilie Proulx, qui ont participé à cette exposition. Ensuite, vendredi, ça va être le vernissage de Canadian Bacon 6, donc dans le cadre de Manif d'art. Canadian Bacon présente l'art canadien, tiens donc, au 305 rue du Pont. Donc, le vernissage va débuter dès 16h ce vendredi. Également, là, on en a parlé tout à l'heure avec Juliane Charbonneau, il va y avoir l'activité pop-up à l'œil de poisson samedi. Vous pouvez communiquer avec l'œil de poisson pour vous informer. L'activité est de 10h à midi et dans cette seconde session, ça va être le temps d'imaginer comment les humains vont pouvoir vivre dans le futur en fabriquant des micro-prototypes de mobilier en mousse. Donc, pour les petits et grands, allez faire un petit tour à l'œil de poisson en fin de semaine. Sinon, c'est la dernière semaine, donc on a jusqu'à vendredi pour voir l'exposition du collectif Vincent et moi avec Fanny Hénon-Lévy, donc qui présente Être de passage à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec qui se trouve au 2605 chemin de la Canardière. Et également la dernière semaine jusqu'à dimanche pour voir l'exposition de Martin Golland, Façade et Panorama, à la galerie Michel Guimond, là, dont on a parlé la semaine dernière. Oui. Eh bien, c'est ainsi que s'achève l'aérospatiale, Jean-Tiane, et on vous invite tous à aller rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web pour ceux qui l'auraient manqué, ou à suivre aussi nos publications Facebook et Instagram. Je rappelle la page web l'aérospatiale, c'est krl.wordpress.com. On remercie Merci de nous inviter, Anne-Sophie Omer et Juliane Charbonneau, de même que nos chroniqueuses, Émilie Porraquia, ainsi que Louane Bourdeau. Jacques Gignac était à la mise en onde, notre Paul Gauguin de la mise en onde. Merci beaucoup, Jacques. Et la semaine prochaine, je prends relâche. C'est toi qui seras aux commandes de l'émission. Et notamment, tu vas t'entretenir avec Annie-Charlotte Thibodeau au sujet de cette fameuse exposition Caravane Bling Bling. Mm-hmm. Hâte de découvrir ça. Et ne manquez pas l'accroche-oreille ce dimanche, donc notre émission Cousine, donc dédiée à l'art audio. C'est à 21h, toujours sur les ondes de CKRL, et Gaétan Gosselin reçoit l'artiste Myriam Lambert qui a présenté Navire Général au courant du mois multi, ce mois de février, et il va discuter donc de ce projet, donc Navire Général. Demeure à l'écoute, Pierre Blais et toute son équipe vous attendent de l'autre côté pour discuter cinéma à l'émission Situation Critique. Jean-Tiane, je te souhaite une très belle semaine. Toi aussi, Audrey. Merci et bonne semaine à vous, chers auditeurs. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. 89.1 CKRL à Québec. Découvrez l'exposition centrale de Manif d'art 8, la Biennale de Québec, présentée au pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec. Des artistes d'ici et d'ailleurs vous en mettront plein la vue. Cet hiver, célébrez l'art de la joie au M&BAC.